إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on continue aujourd'hui, c'est le cours numéro 2 dans l'explication du livre زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. Donc hier on a fait l'introduction, on a commencé à expliquer. Maintenant on commence dans le premier chapitre de ce livre, qui est le chapitre où on parle des fondements et des principes de base de la question qui ont rapport avec la divergence et les différences d'opinion, ainsi de suite. On va voir donc les fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a et le fondement des Salaf Salih par rapport à la divergence, et comment on doit comprendre ce sujet selon l'islam. Et comme je l'ai mentionné hier, ce n'est pas un sujet qui est nouveau dans l'islam, et ce n'est pas une question qui n'a jamais été abordée par les savants de l'islam. Tout au contraire, les savants de l'islam ont parlé de ce sujet depuis les tout débuts de l'islam, depuis les premiers siècles. Et les Sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient une méthodologie qu'ils suivaient dans la question des fondements de l'islam. Qu'est-ce qu'on appelle les usul, les qawaid? Ils avaient des règles, des principes qu'ils suivaient, qu'ils comprenaient à partir des textes du Coran et de la Sunna. Et ces principes-là, eh ben, ils n'étaient pas mis par écrit, mais ils étaient connus des Sahaba, parmi les ulama, bien entendu, des Sahaba, ils les connaissaient et ils jugeaient selon ces principes-là. C'est par la suite que ces principes-là ont été mis par écrit. C'est comme la langue arabe, comme je disais, les règles de grammaire et tout ce qui a rapport avec as-sarf et an-nahw et les règles de ce genre, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des livres qui expliquaient ces principes-là. Même si les règles de grammaire étaient connues des Arabes, et les Arabes parlaient l'arabe selon des règles bien, bien précises, sauf qu'ils n'avaient pas écrit des livres dans lesquels on retrouvait toutes ces règles écrites de façon bien structurée et organisée. Mais les musulmans ont senti la nécessité et le besoin de composer des règles de grammaire par la suite, étant donné que l'islam commençait à s'expandre, à prendre du terrain dans le monde, et que des gens de toute origine et de toute nationalité, de toute ethnie, qui parlent toutes sortes de langues différentes, ont commencé à se convertir à l'islam. Et donc pour éviter que les gens commencent à déformer la langue arabe et commencent à déformer la signification des sens du Coran, c'était nécessaire pour eux de rédiger des livres dans lesquels on expliquait les règles de la langue arabe et les règles de la grammaire et les règles du sarf et les règles de toutes ces sciences pour que les gens puissent comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que les gens puissent comprendre également les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que quelqu'un va dire il n'y avait pas de grammaire arabe avant? Bien sûr qu'il y avait une grammaire, mais elle n'était pas écrite. Donc, c'est la même chose pour les fondements de fiqh, usul al-fiqh. Ces fondements, ils existaient avant l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, rahimahullah. Ces fondements existaient, mais ils n'étaient pas écrits. Et donc l'imam Shafi'i les a mis par écrit, et il y en a d'autres imams également parmi les imams de la Sunna qui ont écrit des livres sur les fondements aussi. Et alhamdoulilah, donc ça c'était dans le but aussi de préserver la science et les principes de la Sunna et de l'islam et de la sharia et de tout ce qui a rapport avec la religion. La même chose en ce qui concerne Mustalah al-Hadith, les choses qui ont rapport avec Mustalah al-Hadith, la science du hadith, ou bien les choses qui ont rapport avec tous les autres règles et les autres sciences qui ont été élaborées parmi les sciences. Donc ces sciences-là, elles existaient, et elles existent aujourd'hui dans les livres, comme j'ai expliqué hier, qui s'appellent des livres de Usul al-Fiqh. D'accord. Et donc on va donc commencer avec le premier chapitre. Le cheikh il dit al-aqwal wal-qawa'id al-mujmala سبب لظهور البدع. سبب لظهور البدع. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit que les paroles et les règles qui sont mujmala, ce sont les causes de l'apparence, pour l'apparence des bid'a. Et le cheikh il donne une définition, où il commence par citer une définition du terme mujmal en arabe. Il dit اللفظ المجمل هو الذي يفهم منه معان وبعضها حق وبعضها باطل. Ça c'est une définition qui est citée de Majmou' al-Fatawa, le volume 6 à la page 103. Ça c'est dans les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Il explique que le terme mujmal en arabe, ça veut dire que c'est un terme qui est mujmal, ça veut dire qu'il est ambigu, qu'il n'est pas clair. Il peut avoir une signification qui est vraie, et il peut aussi avoir une certaine signification qui est fausse. Donc, en l'écoutant ou en l'entendant, on ne peut pas nécessairement savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Hein? Est-ce que c'est... C'est-à-dire, il peut vouloir dire quelque chose de bien, comme il peut vouloir dire quelque chose de mal, ou quelque chose de bon ou de mauvais. Donc, c'est pour ça que d'utiliser des termes de ce genre, c'est quelque chose qui est mauvais. Hein? Et c'est la base de l'apparition des innovations et des bid'ah. Et on remarque, dans les paroles des salafs, et on remarque dans les paroles des salafs qu'ils essayaient toujours d'éviter les termes qui sont mujmal, c'est-à-dire des termes qui sont ambigus, qui ne sont pas clairs. Ils préféraient utiliser des termes qui sont clairs, qui ne peuvent impliquer qu'une seule chose et qui ne peuvent pas prêter à différents sens équivoques ou bien avec beaucoup d'ambiguïté dedans. Ils prenaient des termes clairs et précis et simples pour s'exprimer. Et comme j'expliquais hier également, c'est que lorsqu'on traduit dans une autre langue, c'est encore plus important de faire attention, d'utiliser des expressions et des termes qui sont clairs et qui ne peuvent pas être compris de différentes façons. Il ne faut pas utiliser des termes qui sont mujmal, il faut utiliser des termes qui sont clairs. Et malheureusement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils parlent de l'islam en français, ils veulent montrer leur érudition et comment ils sont forts dans la langue française et comment ils ont un vocabulaire riche, et ils vont utiliser des mots et des termes que personne n'a jamais entendus, sauf quelqu'un qui travaille peut-être à l'académie française ou je sais pas quoi. Alors ils vont dire des choses pour éblouir les gens, mais en réalité personne ne les comprend. Et le danger, c'est qu'on peut comprendre dans leurs paroles parfois des choses qui sont à la fois vraies et à la fois fausses. Et donc ça peut induire les gens dans beaucoup d'erreurs et beaucoup d'égarements. Et donc, il faut faire attention quand on parle dans des langues étrangères au sujet de l'islam, comme je l'expliquais hier. Surtout quand on parle des principes et des règles qui ont rapport avec l'islam. Hein, quand, par exemple, on traduit des termes comme ijtihad, ou quand on traduit des termes comme par exemple fiqh, usul, manhaj, tawhid, tous les termes kufr, nifaq, munafiq, mu'min, mushrik, tous les termes qui sont reliés à la charia, quand on les traduit, d'utiliser des termes arabes qui sont utilisés dans le Coran et dans la Sunna, c'est le préférable, pour éviter les ambiguïtés et pour éviter que des gens commencent à interpréter ces mots-là de différentes façons. Hein? Il y a des gens qui veulent absolument traduire chaque mot arabe en français lorsqu'ils parlent de l'islam. Et d'une certaine façon, c'est très négatif parce qu'ils sont en train de franciser l'islam et ils déforment en réalité d'une façon indirecte l'essence de la religion. Parce qu'ils interprètent parfois les termes islamiques par des termes chrétiens. Et donc, ils christianisent l'islam d'une certaine façon indirecte aussi, puisqu'ils sont en train d'utiliser des termes qui sont reliés à la religion chrétienne pour parler de l'islam. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là, c'est très, très dangereux. Et juste pour vous donner un exemple de qu'est-ce que des gens peuvent faire avec des termes mujmal, comment ils peuvent jouer avec la religion, c'est lorsqu'ils utilisent des exemples, des termes comme par exemple intégriste, ou des termes qui ne sont pas mentionnés par la charia. Hein? Le terme intégriste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est écrit dans le Coran qu'un intégriste, c'est quelque chose qui est accepté dans l'islam? Ou est-ce que c'est écrit dans le Coran ou dans la Sunna qu'un intégriste, c'est quelque chose qui est mauvais dans l'islam? On ne retrouve pas ce mot-là dans le Coran ni dans la Sunna. Hein? Donc, de l'affirmer ce mot-là ou de le nier, c'est quelque chose qui n'est pas permis pour un musulman. On ne peut pas le nier et on ne peut pas l'affirmer tant qu'on n'a pas défini qu'est-ce que ça signifie. Et qu'on regarde dans le sens de ce mot-là, qu'est-ce qui est en accord avec l'islam et qu'est-ce qui est contraire à l'islam. Et ça doit se faire avec science et avec compréhension et avec connaissance. On ne peut pas l'affirmer juste comme ça et on ne peut pas le nier juste comme ça non plus. Il faut analyser la question. Et ça, c'est la même chose pour tout autre terme qui n'est pas dans le Coran et dans la Sunna. Que ce soit les termes modernes comme par exemple un laïc ou démocrate ou n'importe quel autre terme. Hein. Ces mots-là, c'est des mots qui ne se retrouvent pas dans le Coran et qui ne se retrouvent pas également dans la Sunna. Donc, avant de critiquer ou de juger ces principes-là et ces termes-là, il faut les analyser pour savoir est-ce qu'ils sont en accord avec le Coran et la Sunna, et s'ils ont une signification qui est bonne, de le clarifier, et s'ils ont une signification qui est mauvaise, de le clarifier. Mais d'éviter des termes qui ne sont pas dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Et c'est comme ça que les ulama, ils ont expliqué, comme par exemple, que quand on dit un laïc, on peut regarder dans les termes du Coran et de la Sunna, et quand on regarde à quoi se réfère la laïcité, on remarque que ça se réfère à des caractéristiques des munafiqines. Hein? Comme je disais ça dernièrement, justement. Parce qu'un laïc, c'est tellement vague, ça peut tellement vouloir dire tellement de choses, que c'est bien important d'utiliser à la place des termes islamiques pour le définir. Hein? Donc, ça c'est pour l'introduction par rapport à cette question-là. Donc, un terme qui est mujmal en arabe, c'est un terme qui peut vouloir dire quelque chose qui est bon et quelque chose qui peut vouloir dire quelque chose qui est mauvais en même temps. Et ça peut aussi être défini de d'autres façons, comme par exemple le cheikh Ibn Uthaymeen, dans son livre qui s'appelle Al-Usul min Ilm al-Usul, il a interprété le terme mujmal en disant que c'est ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu, pour le comprendre, tu as besoin de quelque chose d'autre que lui pour le comprendre. Tu as besoin d'un autre texte pour le comprendre. Il ne peut pas se comprendre par lui-même. Tu as besoin d'un autre terme d'un autre texte pour le définir. OK? Soit pour le décrire ou pour savoir sa quantité ou sa mesure ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est mujmal. Et qu'est-ce qui est par opposé à mujmal, c'est qu'est-ce qui est mubayyan. OK? Donc al-mubayyan, c'est qu'est-ce qui est clair. Qu'est-ce qu'on comprend, on comprend sa signification tout de suite par la façon dont l'expression elle est claire, on la comprend tout de suite, on n'a pas besoin d'aller voir quelque chose d'autre ou d'aller voir un autre texte pour le comprendre puisque il est clair. Donc ça c'est le contraire de mujmal. Et Ibn Taymiyyah, comme on l'a dit, il a expliqué de l'autre façon, et c'est la même chose, c'est la même définition, même si c'est en d'autres mots. Après, le cheikh, il mentionne, il dit, وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي تَارِيخِ الْأُمَّةِ وَجَدَ أَنَّ مِنْ طَرَائِقِ الْمُبْتَدِعَةِ الْإِتْيَانِ بِأَلْفَاظٍ وَقَوَاعِدٍ مُجْمَلَةٍ لَيْسَتْ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ وَجَعْلَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ لِيَتَوَصَّلُوا بِهَا إلى إبطال ما دل عليه القرآن والسنة مثل الجسم والحيز قولهم الأعراض لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. Donc ça c'est des exemples que le cheikh il explique, il dit lorsqu'on observe à travers l'histoire de la Ummah, on trouve que la méthode que les Mubtadi'a ont utilisée pour introduire des innovations dans la Ummah, c'est d'amener des termes et des expressions et des principes qu'ils ont inventés qui sont mujmala. Hein, c'est-à-dire que quand on les entend, on ne peut pas savoir est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif, de bon ou de mauvais en l'entendant directement. Parce que ce sont des termes qui ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna. Donc, lorsqu'un terme n'est pas dans le Coran ni dans la Sunna, on ne peut pas nécessairement savoir du premier coup est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais. Dans le sens que, si par exemple quelqu'un dit cette personne est un mu'min, on sait que c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les mu'minines dans le Coran. Si quelqu'un dit cette personne est un munafiq, alors on peut savoir que c'est quelque chose de mal parce que cette chose-là a été définie dans le Coran et dans la Sunna. Mais si quelqu'un dit, comme par exemple, cette personne est un intégriste, on ne peut pas savoir est-ce que c'est mauvais ou bien directement. Pourquoi? Parce que ce terme-là n'est pas glorifié et n'est pas utilisé pour blâmer personne par le Coran, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un terme qui est mujmal, puisqu'on ne connaît pas sa définition clairement. Ça peut vouloir dire n'importe quoi, puisque les koufars l'utilisent pour désigner n'importe qui. Ils l'utilisent pour désigner quelqu'un qui croit en la révélation d'Allah, qui croit que c'est la parole d'Allah absolue et que c'est la vérité. Donc ça, pour eux, c'est une forme d'intégrisme, parce que si tu crois en une vérité absolue, pour eux, c'est une forme d'intégrisme. D'accord? Tandis que pour d'autres, ça veut dire un terroriste, quelqu'un qui met des bombes et qui fait des attentats et des trucs de ce genre. Et ça, c'est quelque chose de négatif qui est rejeté par la charia, puisque c'est interdit par le Coran et par la Sunna et par les grands ulama de l'islam à travers l'histoire. Donc, on peut voir que ce genre de définition, de terme, a plusieurs significations. Certaines de ces significations peuvent être positives, d'autres peuvent être négatives et donc, c'est des termes qu'on appelle mujmala, et donc on n'a pas le droit de les utiliser. Mais dans les questions de aqida, il y a des mubtadi'a qui ont fait utiliser justement des termes qui sont comme ça, qui ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna, et qui sont mujmala, et ils les ont utilisés comme si c'était des règles, et comme si c'était des choses qui étaient acceptées parmi les musulmans ou dans l'islam. Mais les buts pour lesquels ils ont utilisé ces expressions-là, c'était précisément pour essayer d'annuler la légitimité ou l'application du Coran et de la Sunna. Hein? C'est pour dire, on va mettre de côté le Coran et la Sunna, puis on va se baser sur nos termes et nos explications et nos principes et nos règles qu'on a inventés nous-mêmes par notre raison, et on va se baser là-dessus pour expliquer l'islam et expliquer la aqida. Comme par exemple, des termes comme al-jism. Ok? Les termes comme al-jism, ça se retrouve pas dans le Coran ni dans la Sunna, ni en affirmation ni en négation. C'est-à-dire, Allah n'a pas nié le corps, il n'a pas affirmé le corps, parce que le mot jism, ça veut dire le corps. Donc, lorsque tu lis un livre d'Aqidah, par exemple le livre des Asha'ira, ou le livre d'autres parmi les Mubtadi'a, ils vont dire, on n'a pas le droit d'affirmer un corps pour Allah. Et quand ils utilisent cette expression-là, ils l'utilisent dans quel sens? Dans le sens qu'ils veulent nier tous les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils vont dire par la suite, donc Allah n'a pas de main, Allah n'a pas d'yeux, Allah n'a pas il n'est pas au-delà de son trône, il ne descend pas en bas de son, il ne descend pas par exemple au dernier tiers de la nuit au plus bas des cieux, ainsi de suite. Donc ils vont essayer de se baser sur ce terme-là, qui est un terme mujmal, puisqu'il n'est pas affirmé et qu'il n'est pas nié par la charia, et ils vont essayer d'utiliser ça pour essayer de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se baser sur ce terme-là comme un principe, comme si c'était un principe ou une règle parmi les règles de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, alors qu'elles ne sont pas des règles dans les principes de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et qu'elles font partie des termes qui sont mujmal, qui sont pas clairs, qui peuvent vouloir dire quelque chose de vrai ou de faux. Et c'est pour ça que des ulama ont dit par exemple, si vous voulez dire par al-jism que Allah a par exemple les attributs qu'il s'est attribué lui-même, qu'il est au-delà de son trône et qu'il est au-dessus de sa création, séparé de sa création, Et que si vous voulez dire aussi par là qu'il a des yeux et une main et que vous cherchez à nier ça, dans ce cas-là, nous, on rejette votre parole dans ce cas-là et on affirme ce qu'Allah a affirmé. Parce qu'on n'a pas le droit de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous voulez dire par là, par exemple, quand vous dites encore que Allah subhanahu wa ta'ala serait mélangé avec sa création, ou qu'il serait que sa création serait à l'intérieur de lui, ou des choses de ce genre, ou qu'il ne serait pas au-delà de son trône, ou des choses de ce genre. Donc là, dans ce cas-là, on va nier la signification qui est mauvaise. Qu'est-ce qui est vrai, si vous voulez, qu'est-ce qui est vrai dans cette affirmation-là? Si vous dites, par exemple, que Allah, par exemple, est mélangé avec sa création et tout, ça, si vous niez ça, oui, on nie que Allah est mélangé avec sa création, on nie qu'il y aurait, par exemple, une ressemblance entre Allah et sa création, ça oui, on va nier cette signification-là parce qu'elle est contraire au Coran et à la Sunna. Mais si vous voulez dire par là en niant le terme jism, vous voulez dire que par exemple Allah n'est pas au-delà de son trône et qu'il n'a pas de main, qu'il n'a pas de yeux et qu'il n'a pas les attributs qu'il s'est donné lui-même comme le visage, ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, on peut pas accepter cette négation-là puisqu'elle est contraire à qu'est-ce qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna. Donc, c'est de cette façon-là que les ulama d'Ahl Sunna ont répondu. Hein, Ibn Taymiyyah, il a clarifié ça clairement dans ses livres. Il a dit, par exemple, que les termes qui sont clairs et qui sont affirmés dans la charia par rapport aux attributs, on les affirme. Tout ce qui est affirmé, on l'affirme. Tout ce qui est nié dans le Coran et dans la Sunna, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le nie. Sans questionnement, sans problème. On affirme ce qui est affirmé et on nie ce qui est nié. Mais si quelqu'un t'arrive avec une expression qui n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna, dans ce cas-là, on se base sur des versets comme « Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm » Ne parle pas de ce dont tu n'as aucune connaissance. Hein? Est-ce que tu as une connaissance que ça s'est affirmé par Allah? Non. Est-ce que tu as une connaissance que ça s'est affirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce que tu as une connaissance que c'est nié par Allah ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Alors tais-toi. Ne parle pas de cette chose-là. N'utilise pas ce terme. Puisque tu amènes des gens à tomber dans des ambiguïtés. Tu les amènes à essayer de nier ou d'affirmer des choses qui ne sont même pas clarifiées directement dans le Coran et dans la Sunna. Donc, évite ces termes et ne parle pas avec ignorance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, en ce qui concerne la signification de ce terme, l'utilisation du terme lui-même, on ne l'utilise pas, c'est haram de l'utiliser, parce que c'est mujmal. Mais, quand on dit par exemple, la signification de ce terme, qu'est-ce que ça implique? Alors là, on va l'analyser. Et on va affirmer dans cette signification-là, qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce qui est en accord avec l'islam, et qu'est-ce qui est faux, dans cette signification-là, on va le nier, et on va le rejeter. Mais on va éviter à la base d'utiliser ce terme. Hein? Et il y a des mubtadi'a parmi les ahbash par exemple, quand ils entendent ça, eux ils essaient de se moquer par exemple de cette règle et de ce principe parmi les principes d'Ahl Sunnah, parce que eux, bien entendu, ils nient les attributs d'Allah, et étant donné qu'ils utilisent les expressions des mutakallimin, parce que ça fait partie des termes d'Ahl Kalam, d'utiliser les termes comme al-jism, le corps et des choses de ce genre, alors ils se moquent. Et je me souviens d'avoir une discussion une fois avec un des Ahbash. Il me dit, est-ce que c'est écrit par, est-ce que tu, si par exemple quelqu'un te disait, par exemple, je veux pas dire qu'est-ce que la personne a dit parce que c'était vraiment d'attribuer à Allah des choses qui ne s'attribuent pas à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est des choses que des êtres humains font. Donc, pour essayer de se moquer de ce principe, la personne a ramené une règle ou une expression qui fait partie des actions des êtres humains. Et la personne m'a dit, est-ce que ça c'est affirmé ou nié dans le Coran? J'ai dit, bien entendu, non. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu vas dire, on ne l'affirme pas et on ne le nie pas? J'ai dit, dans ce cas-là, bien entendu, on va dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et on n'a pas le droit de dire des choses à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Donc, déjà d'utiliser des termes comme ça à propos d'Allah, c'est une bid'ah. Et c'est haram de le dire en partant. Donc, le péché de dire des choses de ce genre et de comparer Allah avec une créature ou avec un être humain, en utilisant des termes que Allah n'a pas utilisés et en niant des choses que Allah n'a pas niées, ça c'est haram. Mais quand on affirme que Allah est au-delà de son trône, et quand on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux, et quand on affirme que Allah a des mains, on ne l'affirme pas de notre propre tête, et on n'invente pas quelque chose avec notre propre bouche, et notre propre imagination, ou notre propre esprit. On ne fait que dire ce que Allah et son messager ont dit. Et on se limite à ce que Allah et son messager ont dit, et on n'invente pas nous-mêmes des choses à propos d'Allah, et à propos de ses attributs et de ses noms. Et c'est ça la différence, et c'est ça ce que ces gens-là ne veulent pas comprendre. Hein? Donc, le cheikh, il continue en disant, par exemple, donc, que les termes comme al-jism et al-hayz, al-hayz, ça veut dire quoi? Ça veut dire une limite. Donc, ils disent que Allah n'a pas de jism, et ils disent que Allah n'a pas de hayz, et ils disent que Allah n'est pas dans une jiha, c'est-à-dire il n'a pas de corps, il n'est pas limité, il n'est pas dans une direction. Et donc, vous voyez, ils utilisent des termes comme ça, laysa fi arad, wala bi jawhar. Ils disent il n'est pas un accident, et il n'est pas une substance, il n'est pas une essence, il n'est pas un accident. Ils utilisent des termes utilisés par les philosophies dans les livres de métaphysique, et puis ils les appliquent à l'islam. Et c'est de là que vient la aqida des mutakallimines, que ce soit les Jahmiya ou les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiya. Ils se basent sur des termes philosophiques établis par les métaphysiciens et des philosophes pour essayer de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent des choses comme ça. Il n'a pas de corps, il n'a pas de limite, il n'est pas une substance, il n'est pas une essence, il n'est pas un accident, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils rentrent dans la bid'a et dans l'égarement, parce que le but pour lequel ils utilisent ces termes-là, c'est pour essayer de nullifier l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, et de nier ce qu'Allah a affirmé à son sujet. D'accord, donc le cheikh il dit que par exemple ala arad la taqum illa bi jism, ça c'est leur argument quand ils parlent à propos des attributs. Ils disent que les accidents ne peuvent être existants que dans les corps, et les corps sont semblables, donc Allah n'a pas de corps, et c'est de cette façon là qu'ils argumentent pour affirmer et pour nier les attributs. Donc ils ne se réfèrent pas du tout aux attributs et aux textes du Coran et de la Sunna, qui sont les attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna pour définir ou pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils se basent sur des principes établis par des philosophes et des métaphysiciens qui parlent à propos d'Allah en toute ignorance, qui nient des choses sans connaissance et qui affirment des choses sans connaissance. Et c'est leur méthode, c'est la méthode par laquelle ils essaient d'affirmer l'existence d'Allah et les attributs et les noms. Et ça, bien entendu, c'est une méthode qui est contraire à la méthode d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Donc il parle de cette façon-là. Le cheikh il dit: وَأَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْجِسْمِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا هُوَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ الرَّافِضِي. Ça encore, c'est cité dans Majmou' al-Fatawa. La première personne qui a parlé qui a mentionné le corps soit en affirmation ou en négation, c'est Hisham ibn al-Hakam, et c'est un Rafidi. Donc la première personne dans l'histoire de l'islam qui a commencé à mentionner à propos d'Allah, soit en le niant ou en l'affirmant, le terme jism, c'est cet individu-là, cet individu qui s'appelle Hisham ibn al-Hakam, et c'est un Rafidi, c'est un Shi'i. D'accord? Donc c'est lui le premier qui a parlé de ce terme-là à propos d'Allah, soit par négation, comme j'ai dit, ou par affirmation. Peu importe qu'il l'ait affirmé ou qu'il l'ait nié, mais il l'a utilisé pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est donc lui qui a ouvert cette porte de bid'a dans l'histoire de l'islam. Et pas surprenant que ce soit un rafidi, puisque ce sont des mubtadi'a et des gens qui ont dévié de la sunna. Donc Donc, ça c'est pour expliquer ce principe, pour montrer comment les termes qui sont mujmal peuvent induire les gens en erreur et les amener à tomber dans toutes sortes d'innovations. Après le cheikh, il dit « Wa qala cheikh al-islam ibn Taymiyyah » أما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده فإن أراد من بها معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره. Donc le cheikh il dit ici que Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit dans Majmou' al-Fatawa que c'est le volume 12 la page 114, il dit les termes qui ne sont pas dans le Coran ni dans la Sunna et que les salafs ne se sont pas mis d'accord pour les affirmer ou pour les nier, alors personne n'a le droit d'être d'accord avec ces termes, soit pour les affirmer ou les nier, jusqu'à ce qu'on ait demandé à la personne qui utilise ces termes d'expliquer qu'est-ce qu'elle voulait dire par ce terme. Et celui qui amène une signification qui est en accord avec l'information et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, on l'affirme. Et celui qui nie la signification, celui qui amène une signification ou une définition de ce terme qui est contraire à la sunna et à l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, on va nier et on va rejeter cette expression. Donc, on voit qu'on ne se précipite pas vers la négation ou vers l'affirmation, mais on demande d'exprimer ou d'expliquer qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi la signification de ce terme. Et après, si c'est une signification qui est vraie, on l'affirme, et si c'est une signification qui est fausse, on la nie. Hein? Donc c'est exactement comme je disais tout à l'heure, l'expression de qu'est-ce que j'ai expliqué depuis le début. Après le cheikh il dit « ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها لو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا بل يكون في قوله نوع من الصواب وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه وقد يكون الصواب في قول ثالث. Ça nous montre en fait l'intelligence d'Ibn Taymiyyah rahimahullah et à quel point il était clair et comment il suivait des règles et des principes très très très très précis dans sa façon d'expliquer et de comprendre l'islam. Et c'est ça ce que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas compris, n'ont pas pris le temps d'étudier malheureusement par rapport aux principes et aux règles et aux fondements que suivait Ibn Taymiyyah. Et non seulement Ibn Taymiyyah, mais tous les imams des salafs, ils suivaient ces principes-là. Parce qu'il y a des gens qui parlent d'Ibn Taymiyyah, ils disent « Ah, les salafis se réfèrent à Ibn Taymiyyah ». Et ils s'imaginent que comme si on se réfère à Ibn Taymiyyah comme si c'était l'origine ou la base. Non, Ibn Taymiyyah c'est pas la base et c'est pas le principe de c'est pas sur lui qu'on se base. On se base sur le Coran et sur la Sunna et sur la parole des Sahaba et des premiers mu'minin, des premiers imams. Mais Ibn Taymiyyah, il a pas sorti les choses de son chapeau. Hein? C'est pas comme un magicien qui fait apparaître des lapins de n'importe où, là, comme ça, il les sort dans ses poches. Non. Il est venu avec des principes qu'il a étudiés des savants de l'islam et qu'il les a pris des salafs lui aussi. Il n'a rien amené de sa propre tête ou de sa propre imagination. La même chose avec Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lorsque on entend les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, les gens disent, ah, ces gens-là, ils suivent un imam de l'Arabie Saoudite, Muhammad ibn Abdul Wahhab, ou un tel, ou un tel, ou un tel. Mais ça, c'est faux, puisque Muhammad ibn Abdul Wahhab, est-ce qu'il a ramené quelque chose de sa propre tête? Tout ce qu'il dit, c'est quelque chose qu'il a pris de quelqu'un d'autre, des savants qui sont venus avant lui. Il ne faisait que transmettre et expliquer, clarifier et appliquer ce que tous les savants de l'islam avant lui avaient clarifié également. Donc c'est important de bien comprendre ce principe-là. Ensuite, le cheikh, donc, dans cette citation-là, il dit, puis ensuite on va regarder l'expression elle-même. L'expression de ces significations-là qu'on vient d'expliquer. Hein? Si on trouve que dans le terme utilisé, il y a quelque chose qui est shubha, qui n'est pas clair, hein? Ou bien qui a une forme d'ijmal dedans, c'est-à-dire qu'il peut vouloir dire quelque chose de vrai et de faux en même temps, alors on utilise une autre expression. Abbara bi ghayriha. On n'utilise plus cette expression-là, on utilise une autre. Hein? Puisque cette expression-là, elle n'est pas claire. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle veut dire du premier coup. Elle peut vouloir dire quelque chose de vrai et elle peut vouloir dire quelque chose de fausse. Donc, on ne l'utilise pas. C'est comme les islamistes, par exemple, qui veulent utiliser l'expression démocratie islamique ou bien laïcité ou bien des trucs comme ça. Pourquoi vous voulez utiliser des termes comme ça alors que ça peut vouloir dire le kufr? Et vous essayez de l'interpréter d'une façon qui serait soi-disant islamique, alors que ce n'est pas l'utilisation de base pour laquelle on utilise ce terme. Alors vous induisez les gens en erreur en utilisant des termes qui ne sont pas mentionnés ni dans le Coran ni dans la Sunna pour exprimer des idées qui renferment des choses qui sont contraires à la charia. Et vous connaissez tous l'exemple du verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu » La taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u. Hein? Ça c'est dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux croyants, aux musulmans, ne dites pas ra'ina, mais dites unzurna. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, ra'ina, ça veut dire la même chose que unzurna. Ça veut dire occupe-toi de nous, regarde-nous. Hein? Et eux, les juifs, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchaient toujours un moyen d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de l'insulter d'une façon subtile, hein, d'une façon que les musulmans ne vont pas s'en apercevoir. Donc quand il disait par exemple assalamu alaykum, au lieu de dire assalamu alaykum, que la paix soit sur vous, il disait assalamu alaykum. Et quand tu l'entends, tu ne peux pas entendre clairement, parce que assalam et salam, si tu le dis vite, hein, tu ne peux pas remarquer qu'est-ce que ça signifie ou la différence. Mais assalam, c'est la mort. Hein? Donc, il disait que la mort soit sur vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans ce cas-là, quand eux ils vous saluent, vous leur répondez wa alaykum. Hein? C'est-à-dire, et sur vous aussi. Hein? Vous ne leur dites pas wa alaykum salam. Vous leur dites wa alaykum seulement. Comme ça, vous rajoutez pas et vous enlevez pas. Hein? Et si, l'exemple avec ra'ina, c'est que dans la langue arabe, ra'ina, ça veut dire quelque chose de bien. Ça veut dire, regarde-nous ou occupe-toi de nous. Hein? Tandis que dans la langue des juifs de l'époque, quand ils disaient ra'ina, eux, pour eux, c'était une insulte. Donc, quand ils s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient ra'ina. Et les musulmans commençaient à dire ça aussi. Certains sahabas commençaient, eux aussi, à l'utiliser. Mais eux, ils l'utilisaient dans la signification qui est bonne. Pas la même signification d'insulte dans la langue des juifs. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset pour interdire aux croyants d'utiliser cette expression-là, puisque c'est une expression qui pouvait induire en erreur et avoir une signification d'insulte, comme elle pouvait avoir une signification de bien. Mais d'éviter le bien, ça passe avant de vouloir amener un bien. D'éviter un mal pardon, d'éviter un mal, ça a précédence sur le fait d'amener un bien. Zar'ul mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Donc on veut un bien, mais il y a un mal qui est avec, donc on repousse ce mal pour, même si ça implique de rejeter un bien avec, parce que repousser un mal a précédence sur le fait d'accepter quelque chose de bien. Donc on évite complètement l'utilisation de ce terme au complet, et ou bien on l'utilise en clarifiant à chaque fois qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression là d'une façon à ce que la clarification de la vérité soit établie et soit expliquée d'une façon qui est en accord avec la charia. Sinon, on n'utilise pas du tout ce terme. Et on utilise un autre terme qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, ou qui est clarifié dans le Coran et dans la Sunna. Le Cheikh, il dit, فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ نِزَاعِ النَّاسِ. Il dit, il y a beaucoup de gens qui se disputent, et la seule raison pourquoi ils se disputent ou ils sont en désaccord, c'est uniquement parce qu'ils utilisent des termes qui sont innovés et qui ont des significations qui ne sont pas claires. Et ils disent que Ibn Taymiyyah dit c'est un tel point, c'est tellement grave, ça arrive même que parfois tu vas voir deux hommes qui sont en train de se disputer entre eux et qui sont en train de s'opposer les uns les autres à cause de certains termes qu'ils ont dit. Il y en a un qui l'affirme et l'autre qui le nie. Et si tu demandais à chacun des deux la signification de ce qu'il dit, il ne serait peut-être même pas capable de l'expliquer, d'expliquer le terme qu'il dit et de qu'est-ce que ça signifie. Peut-être qu'il n'est même pas capable de le concevoir dans sa tête, la signification de ce mot. Et non seulement ça, mais si tu lui demandes de lui donner la preuve de cette signification-là, il est encore moins capable de la donner que de l'exprimer et de l'expliquer, d'expliquer la signification de ce terme. Et ça c'est s'il connaissait sa preuve. Le cheikh dit lam yalzim anna man khalafahu yakun mukhti'an. Et s'il connaissait la preuve qui supporte la signification qu'il ramène, ça n'implique pas nécessairement que celui qui s'oppose à lui est dans l'erreur. C'est possible même qu'il ait une partie de la vérité ou une partie de ce qui est correct, tandis que l'autre a une partie aussi de la vérité lui aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit lui, c'est vrai en partie, et l'autre, c'est vrai en partie aussi. C'est-à-dire que c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Les deux ont une partie de la vérité. Et il est possible également que la vérité ou la position qui est correcte soit dans une autre position, c'est-à-dire une position différente de celle de ces deux personnes-là qui sont en train de se disputer. Et ça, c'est mentionné dans I'lam al-Muwaqqi'in. عن رب العالمين ده ابن القيم الجوزية qui clarifie ce principe là. Et ça c'est on le retrouve également dans les paroles de Ibn Taymiyyah. Après le cheikh il dit والواجب على من يؤصل للدعوة ويقعد لها أن لا يطلق ألفاظا مجملة من غير بيان وتفصيل لها وأولى به أن لا يستعمل الألفاظ المجملة حتى لا ينفذ من خلالها المبتدعة وكذلك من سئل عن لفظ أو قاعدة مجملة تحتمل حقا وباطلا أن لا يطلق الجواب من غير تفصيل فيكون بذلك مضلة لمن رام به الاقتداء. لشيخ الديسي. C'est obligatoire donc pour la personne qui établit des principes pour la da'wah ou qui établit des règles pour la da'wah, il ne doit pas utiliser des termes qui sont mujmal sans les clarifier et sans les définir et les détailler. Et c'est mieux pour lui de laisser tomber l'utilisation totale, d'abandonner totalement l'utilisation des termes qui sont mujmal, pour pas que ces termes-là soient par la suite utilisés par les gens de Bid'a pour essayer de créer des divisions et des divergences parmi les musulmans. Et de même que lorsque quelqu'un est questionné au sujet d'un terme qui est mujmal ou d'une règle qui est mujmal, c'est-à-dire qu'il peut vouloir dire quelque chose de vrai ou de faux, et qui implique quelque chose de vrai et de faux en même temps, on ne doit pas se précipiter pour répondre sans clarification et sans avoir étudié la question d'une façon bien précise. Parce que malheureusement, les gens de Bid'a, c'est ça leur méthode, c'est pour ça qu'on dit que c'est la porte vers la Bid'a, c'est qu'ils aiment utiliser des termes qui sont mujmal. Parce qu'ils ont toujours un échappatoire quand ils utilisent des termes qui sont comme ça. Parce que si tu les attrapes et tu leur dis « Hey, qu'est-ce que vous dites ? Ça, ça veut dire ça. » Ils disent « Ouais, mais ça ne veut pas dire ça seulement, ça peut vouloir dire autre chose. » Et ils s'amusent de cette façon-là. Hein? Ils s'amusent de cette façon-là, comme ça. Si tu les attrapes dans un coin, ils se sauvent dans un autre coin. Et ils disent « Non, nous, on ne voulait pas dire ça, on voulait dire ça. » Hein? Et ça, c'est une méthode qui est utilisée par les gens de Bid'ah. Et on n'a pas le droit d'utiliser ça. Et c'est exactement ça que les koufars sont en train de faire avec les musulmans actuellement dans la guerre médiatique qu'ils sont en train de jouer. Hein? Ils sont en train de jouer avec les musulmans par rapport à ces choses-là. Ils vont prendre un terme qui n'est même pas dans le Coran, même pas dans la Sunna, et ils vont attaquer tous les gens avec ce terme-là. Et là, tellement que ça devient une phobie, les gens, quand ils entendent ce mot-là, ils commencent à trembler parce qu'ils croient que ça a la pire des significations, sans jamais demander à ces gens-là « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme ?» Si ça veut dire quelque chose de vrai, on l'accepte. Si ça veut dire quelque chose de faux, ben on le rejette. Et on ne le rejette pas par rapport à vous. On le rejette par rapport à nos principes à nous. Et on l'accepte si c'est en accord avec nos principes à nous, pas par rapport à vous. Et pas par rapport à vos valeurs ou vos principes ou votre compréhension à vous de la vie. Non, par rapport à nos principes à nous. Et c'est notre juge dans tout, c'est le Coran et la Sunna. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, avant de répondre, à propos de quoi que ce soit par rapport à l'islam, demandez aux gens, qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme? Et ramenez-moi des preuves de la définition que vous donnez par rapport à ce terme. Hein? Parce que si on ne définit pas les termes qu'on utilise, alors notre langage n'aura plus de sens. On ne pourra même plus s'exprimer dans n'importe quelle langue, puisque chaque personne, lorsqu'il dit un mot, il veut dire quelque chose différent de l'autre. Hein? Donc, c'est pour ça que des gens ont inventé qu'est-ce qu'on appelle des dictionnaires. Et le but des dictionnaires, c'est de clarifier la signification de certains mots. Et quand c'est une question d'idéologie, des termes qui sont reliés à des idées, eh bien, dans ce cas-là, il faut se méfier même des définitions ramenées par les dictionnaires. Parce que c'est pas nécessaire, c'est pas parce que c'est écrit dans le dictionnaire comme définition du dictionnaire que cette définition-là, elle est absolument vraie. Peut-être que la personne qui a écrit ce dictionnaire définissait ce mot-là selon sa compréhension de cette idéologie-là, ou selon son point de vue à lui, par rapport, sa position à lui par rapport à cette définition. Et donc c'est pour ça qu'il faut retourner non seulement à la définition du dictionnaire, mais aussi à la réalité des principes et des termes qui sont utilisés dans la révélation pour se situer par rapport à la définition de ce terme. Et à ceux qui ont, bien entendu, fondé et établi ces idéologies-là, si elles sont établies par des êtres humains. Comme par exemple, le terme sharia. Il y a des gens, si tu leur dis, et le cheikh, comment il s'appelle, le cheikh Mohammed, Cheikh Mohamed Bazmoul, Cheikh Mohamed Bazmoul, il a écrit des livres comme ça qui sont très bénéfiques, masha'Allah, dans lesquels il définit des termes de la charia selon les principes de la charia. Et ce sont des termes qu'on utilise tous, hein, le terme islam, le terme din, le terme charia, le terme ijtihad, le terme, toutes sortes de termes comme ça que les gens utilisent. Mais que à force que les gens ont tellement déformé l'essence de ces mots-là, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils signifient. Hein? Donc le cheikh, lui, il a fait un petit livre comme ça, vraiment petit mais très bénéfique, dans lequel il explique la signification des termes seulement, mais en ramenant ces termes-là à leur source et en les définissant selon le langage du Coran et de la Sunna. Et c'est ça ce que Ibn Taymiyyah a fait souvent quand il définit les termes dans ses livres. Il va ramener par exemple un mot, et pour le définir, il va ramener tous les textes tous les versets dans le Coran où ce mot-là est utilisé. Hein? Dans tous les versets dans le Coran où on mentionne ce mot, il va les ramener tous. Et tous les hadiths où ce terme est mentionné, il les ramène tous. Et puis après, il établit par la suite, par rapport au contexte, dans chacun de ces contextes-là, qu'est-ce que ce mot-là signifie dans son contexte, par rapport, quand on dit le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en avant et en arrière de ce mot-là, dans le verset et dans les versets qui sont devant et derrière. Et là, il analyse tout ça et là, il extrait les significations par rapport à l'utilisation que Allah subhanahu wa ta'ala en a fait dans la révélation lorsqu'il s'est exprimé par ces mots-là. Et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la même chose. Et donc, ça c'est pour définir et comprendre le langage de la charia. Ok? Donc, si tu veux comprendre le terme charia, tu le comprends par rapport à la révélation. Et donc, il y en a certains qui ont essayé de faire comprendre que la charia c'était les livres de fiqh et les différents madahib et les analogies des ulama et toutes ces choses-là et les lois qui sont appliquées dans certains pays musulmans, différents pays musulmans. Et la charia, c'est pas ça. La charia, c'est la révélation d'Allah. C'est le Coran et la Sunna. C'est comme ça que Allah l'utilise. Et il dit, quand il parle des révélations qu'il a données au prophète, Allah, il dit, shara'a lakum min ad-din. C'est lui qui a légiféré pour vous de la religion. Donc, shara'a, c'est de là que vient le terme charia. Hein? Et il dit, Allah, il dit, thumma ja'alnakum ala shari'atin min al-amri. Fattabi'aha. Hein? Il vous a mis sur une charia de l'ordre. Donc ça veut dire suivez-la. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme charia pour dire sa révélation et sa loi. Hein? Qu'est-ce qu'il a révélé? Non pas pour expliquer ou pour dire les différents madahib et les positions des ulama et divergents. Hein? Donc il joue avec les mots, les gens de Bid'a aujourd'hui, il joue avec les mots pour mélanger les gens. Il donne à des mots des définitions qui sont contraires à leur réalité pour induire les gens dans l'erreur, et puis par la suite les musulmans tombent dans le piège, ils se mettent à nier et à affirmer des choses sans aucune compréhension, sans aucune connaissance, et ça c'est un des grands malheurs de notre époque. Donc avant de définir quelque chose, de le détailler, hein, pour pas que ce soit une cause d'égarement pour les gens. Et que les gens commencent à se lancer des surnoms et des sobriquets. Hein? Donc ça c'est très important. Le chef dit ensuite: وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَدْيِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ عَلَى وُجُوبِ التَّفْصِيلِ إِذَا كَانَ يَجِدُ السُّؤَالَ مُحْتَمَلًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ فَكَثِيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم فالمفتي ترد عليه المسائل في قوالب متنوعة جدا فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك. Ça c'est un point intéressant ici. Le cheikh il dit, celui qui fait ça, celui qui utilise des termes qui sont mujmal, qui sont pas clairs, alors il est sorti de la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, tout à l'heure c'était Ibn Taymiyyah, je me suis trompé, c'est maintenant la citation de I'lam al-Muwaqqi'in, le volume 4 à la page 192, c'est là les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que il est obligatoire de détailler les choses. Hein? Si tu vois que quelqu'un pose une question qui peut avoir plusieurs implications, tu demandes la clarification. Wabillah et tawfiq. Et le succès appartient à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent, il y a beaucoup de gens qui donnent des fatwas, qui tombent dans l'erreur justement à cause de ça, à cause de cette erreur-là. On lui pose la question au mufti, mais on lui pose la question avec des termes qui peuvent vouloir dire plusieurs significations. Et si le mufti ne fait pas attention à ça, il risque de donner une fatwa qui va être utilisée par la suite dans une signification qui est contraire à la vérité, et il risque de périr et de se perdre lui-même et de faire perdre les autres également. Donc, le mufti doit faire très très très attention comment on lui pose la question, et quand on lui pose la question avec des termes qui sont mujmal, de ne pas répondre de façon précipitée et de demander des détails et de la clarification au sujet de cette question. D'accord? Et justement, comme par exemple, je me souviens, j'avais lu un texte, j'en ai déjà parlé, j'avais lu un texte qui a été traduit par certains frères, je ne sais pas qui exactement, au sujet des modernes. Des... En fait, ce n'était pas le modernisme, mais la personne avait utilisé le terme modernisme pour le traduire. Et c'était le terme haddatha. Hein? Et al-haddathiyya, c'est un courant littéraire qui a été inventé dans les pays arabes, qui imite un petit peu le style des Européens, comme des poètes comme Baudelaire et des trucs comme ça. Et c'est des gens qui veulent, disons, détruire tous les principes et tous les termes, l'utilisation classique de la poésie arabe. Ils veulent plus suivre ils veulent pas suivre les règles classiques des poésies. Ils veulent plus faire des vers bien calculés et bien structurés avec des hausanes et tout. Ils veulent juste faire des comme de la prose, hein, sans rythme, sans règles, sans cette division structurée. Et donc ils sont venus avec ce courant littéraire là, mais avec il y a aussi une critique ou une attaque de toutes les règles de la société, de la religion et de tout en général. Donc c'est parti d'un courant littéraire, puis ça a amené également à un courant idéologique et un courant aussi social et même qui s'oppose à tout, qui s'oppose à la religion, qui s'oppose à la société. C'est un petit peu comme l'anarchie, hein, en fait. Mais il y en a qui s'applique plus qui s'applique à plusieurs contextes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne a traduit le terme haddatha par le terme modernisme. Et bien entendu, la modernité. Donc, la personne qui a traduit ça de cette façon-là, elle induit les gens en erreur. Et il y a des hizbiyens qui ont pris cette fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen et qui commençaient à se moquer du Cheikh Ibn Uthaymeen par rapport à cette fatwa qui avait mal été traduite. Et commençaient à dire, regardez la définition qu'il donne de la modernité, il n'a rien compris. Alors que le terme qui était utilisé, c'était même pas la modernité, et le Cheikh parlait même pas de la modernité. Donc il faut faire attention aux termes qui sont utilisés. Donc le Cheikh, il dit ensuite, وَقَالَ مُبَيِّنًا حَقِقَةَ هَذَا الْمُفْتِي. Le Cheikh, il a expliqué par rapport à la réalité du mufti de cette catégorie-là, quand on lui pose la question et qu'on lui donne les choses de façon ambiguë, il se précipite parfois à donner une fatwa sans détailler la question, qu'on détaille la question. Cheikh, il dit, وَتَارَةً تُورَدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةِ الْبَاطِلَةِ فِي دِينِ اللَّهِ فِي قَالِبٍ مُزَخْرَفٍ وَلَفْظٍ حَسَنٍ فَيُبَادِرُ إِلَى تَصْوِيرِهَا وهي من أبطل الباطل وتارة بالعكس فلا إله إلا الله كم هاهنا من مزلة أقدام ومحل أوهام وما دعا محق إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه وما دعا محق إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه خفافيش البصائر ودعفاء العقول وهم أكثر الناس وما حذر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب مزخرف يستخف به عقول ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له وأكثر الناس نظرهم قاصر عن الصور ولا يتجاوزونها إلى الحقائق فهم محبوسون في سجن الألفاظ ومقيدون بقيود العبارات كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. Le Cheikh explique ici, en parlant de cette catégorie de mufti qui répond précipitamment aux questions qui sont faites de façon qui ne sont faites avec des termes mujmal. Il dit, l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit dans I'lam al-muqqi'in. Il dit, parfois tu vas voir qu'une question va être présentée au mufti, et c'est une question qui est exprimée, qui exprime des principes qui sont totalement faux dans la religion d'Allah. Mais on les exprime avec des termes tellement embellis et avec des expressions tellement enjolivées, hein, que la personne qui entend ces expressions-là, elle ne remarque même pas, ou elle ne s'aperçoit même pas des mensonges et des faussetés qui sont dans ces expressions-là. Alors que c'est les pires mensonges et les pires faussetés. Et parfois c'est le contraire. Quelque chose de vrai, on le présente, quelque chose de faux. Là, on a donné l'exemple pour quelque chose de faux qu'on présente comme étant bon. Et le contraire, c'est vrai aussi. Quelque chose de bon, on l'exprime et on le présente d'une façon tellement mauvaise, tellement négative, que lorsque les personnes entendent cette expression-là ou cette parole-là, les gens vont vouloir la rejeter. Hein? Et ça, c'est ce qui se passe souvent dans les jeux des médias par rapport à l'islam. Ils vont parler, par exemple, du voile. Ils vont dépeindre le voile d'une façon tellement... Hein, quand je parle du voile, je veux dire le hijab, le jilbab. Hein, et là encore, c'est un exemple de l'utilisation des termes arabes. Et comment c'est important d'utiliser les termes de la charia quand on parle des questions de la charia. Quand on dit, par exemple, le voile... Ça veut rien dire par rapport à l'islam. Qu'est-ce que c'est un voile? C'est la langue française. Et pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire un voile, on retourne au dictionnaire et on regarde qu'est-ce que ça veut dire dans la langue française un voile, ou qu'est-ce que ça veut dire dans la langue française un foulard ou des trucs de ce genre. On voit que ça a une signification qui n'est pas en accord avec la charia islamique. Et donc quand on regarde le terme qui est utilisé dans la charia, on retrouve le terme khimar, ou le terme jilbab, ou le terme hijab, ça ce sont des termes qu'on peut comprendre et qu'on peut définir islamiquement parce qu'ils sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça nous donne un petit exemple. Mais quand vous entendez des koufars qui parlent de notre hijab ou du jilbab islamique, ils vont en parler comme si c'était la pire des choses qui existent sur terre. Ah, c'est un assujettissement de la femme, c'est un esclavage de la femme, c'est parce que la femme devient esclave des hommes, ou parce qu'elle est ci, elle est ça. Et donc, quand ils vont parler, par exemple, de leur principe de kufr, ou de leur voie de kufr, ils vont les définir avec toutes sortes de belles paroles et de beaux mots, hein, pour les glorifier, pour montrer que ce sont les plus belles idées que l'humanité a jamais connues. Alors que, derrière ça, il y a le kufr. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention comment les gens parlent et comment les gens présentent les choses. Quand quelqu'un pose une question au ulama, il faut utiliser des termes qui sont pas mujmal, des termes qui sont clairs, hein, que les gens peuvent comprendre. Donc le cheikh dit, donc la ilaha illallah, combien il y a de gens qui sont tombés, qui ont glissé justement à cause de ces ambiguïtés là, hein? Et donc ça c'est très très grave. Le cheikh il dit, tu vois que des gens, ils appellent vers quelque chose et c'est quelqu'un qui mérite ce droit, hein, quelqu'un qui demande son droit et il le mérite. Et il va l'expliquer, l'exprimer. Il va dire, cette chose-là, c'est mon droit et ça m'appartient, et ainsi de suite. Mais la personne... le shaitan va le faire sortir de cette signification-là et va le faire exprimer parmi, parce que le shaitan il a des alliés parmi les êtres humains. C'est ça ce que le cheikh explique. Et le shaitan parmi les êtres humains il a des alliés et ces alliés-là ils travaillent pour eux, ils travaillent pour lui. D'accord? Donc quand quelqu'un dit la vérité ou bien parle de quelque chose qui est son droit dans la charia, le shaitan il vient et il va mettre sur la langue de ses alliés des paroles qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir s'enfuir de cette vérité-là que cette personne-là est en train de dire. Hein? Et c'est normal, parce que le shaitan il veut égarer les hommes. Donc il va utiliser des expressions et des termes pour faire en sorte que les gens ont peur et s'enfuient de la vérité. Et d'un autre côté, la même chose. Il y a des gens, quand ils vont utiliser des mensonges, ils vont dire des choses fausses, hein, et bien le shaitan va venir avec ses alliés et il va mettre sur la langue de ses alliés des paroles qui embellissent ces idées-là et les gens vont les entendre, ces paroles-là, et ils vont s'imaginer que yani, c'est des bonnes choses. Hein? Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le jeu des médias, c'est basé sur ce jeu-là. Le jeu, il joue avec les mots. Et il joue avec le langage. Et ils sont des spécialistes à jouer avec le langage. Et ils savent comment jouer avec le langage. Et malheureusement, beaucoup de musulmans tombent dans le piège. Samma'ouna lil-kazibi, samma'ouna liqawmin akharin. Ils écoutent le mensonge, ils ont l'oreille attentive au mensonge, et ils écoutent les gens qui ne font pas partie d'eux-mêmes, hein, parmi les koufars. Ils écoutent tout ce que les koufars disent dans les médias. Et ils croient à tout ce que les koufars racontent. Et les koufars savent utiliser les mots qui frappent dans le cœur et qui éloignent les gens de la vérité et qui les rapprochent du mensonge. Ils savent tellement jouer avec les mots que si tu les entends décrire certains principes de l'islam, certaines personnes vont commencer à avoir honte d'être musulmans. Parce qu'ils vont entendre l'islam dépeint et décrit et expliqué d'une façon tellement laide et tellement mauvaise qu'ils vont se sentir tellement honteux, ils vont avoir honte d'être musulmans. Et ils se laissent intimider et ils se laissent manipuler par les médias de cette façon-là. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce que tu entends de la part de ces shayatines et des alliés du shaitan qui parle, que ce soit à la télé ou à la radio ou ailleurs. Et donc, le cheikh, c'est ça ce qu'il dit. Il dit, c'est malheureusement, le shaitan, il joue avec les gens qui sont les faibles d'esprit. Hein? Et ils répondent, ces gens qui ont une faible d'esprit, qui ne comprennent pas cette catégorie parmi les gens-là, ils répondent à l'appel du shaitan. Et ça, c'est la majorité des gens. Le cheikh, Ibn Qayyim, il dit, c'est la majorité des gens. Ils n'ont qu'une vision superficielle des choses. Ils ne regardent les choses qu'en apparence, qu'à l'extérieur. Ils ne vont pas au fond des réalités de chaque chose pour essayer de la comprendre telle qu'elle est réellement. Ils ne font que regarder la surface, la superficialité des mots et des termes. Et ils ne cherchent même pas à comprendre les idées qui se trouvent derrière. Hein? Et quand ils analysent des choses, ils analysent uniquement d'une façon superficielle. Hein? Je parlais avec des gens par rapport à la da'wa salafia, et je leur explique qu'il faut suivre le manhaj des salafs et que salaf, la voie des salafs c'est la vérité. Et eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent, oh mais j'ai connu un salafi et il était dur et il était méchant, il critiquait les autres et ci et ça et ci et ça. J'ai dit, subhanallah, comment les gens sont superficiels dans l'analyse et dans la critique. Quand on analyse le christianisme, est-ce qu'on va prendre la parole de quelqu'un qui est dans la rue, qui est chrétien auprès de la rue, on va regarder, ah, il m'a insulté, le christianisme, c'est faux. Ah, un chrétien, il a été dur avec moi, ça veut dire que le christianisme, c'est faux. Est-ce que ça suffit pour discréditer la religion chrétienne? Non. Il faut regarder les fondements de la religion chrétienne et les enseignements fondamentaux dans les principes de base de la religion chrétienne. Et ces principes-là et ces compréhensions-là, on ne les trouve pas par les gens au coin des rues, ou les gens au supermarché, ou les gens qui sont dans les centres commerciaux ou à l'école. On les trouve chez les gens qui représentent cette religion-là, c'est-à-dire les théologiens, les prêtres, le pape, les gens qui ont étudié leur religion et qui la comprennent et qui sont capables de nous l'expliquer. Et là, on va voir ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent dans leurs livres. Et là, on va savoir que leurs fondements et leurs principes sont complètement faux. Et là, on va les rejeter à partir de la base. Pas par rapport au fait qu'il y a un chrétien qui nous a insultés au coin de la rue. Hein? Et donc, si quelqu'un te dit, par exemple, « Ah, j'ai connu un salafi, il m'a insulté. » Et « J'ai connu un salafi, il faisait juste critiquer les autres. » Ou « J'ai connu un salafi et tout et tout. » Et ça, c'est des gens... Quand ils parlent de cette façon-là, c'est parce qu'ils ne veulent pas connaître la vérité et c'est parce qu'ils ne veulent pas suivre la vérité non plus. Ils cherchent des prétextes et des excuses faux pour ne pas suivre la vérité, alors qu'ils savent. Si tu veux connaître le manhaj des salafs et la da'wa salafia, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu vas aller voir les gens dans la rue, au coin d'une rue, ou n'importe qui comme ça qui parle, qui dit « je suis salafi » Non, tu retournes aux ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a, les ulama salafiyin. Va aller voir eux comment ils sont, comment ils parlent, comment ils expliquent l'islam. retourne aux livres écrits par les imams des salafs. Retourne au Coran, retourne à la Sunna, retourne aux paroles des Sahaba, retourne aux paroles des imams qui sont reconnus et acceptés par tous les musulmans de la Ummah. C'est là que tu vas comprendre et que tu vas connaître les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a et le manhaj des salaf. Hein? Maintenant, tu vois, il y a un gars là qui est ici au Canada, je ne sais pas si c'est au Canada ou aux États-Unis, il a écrit un blog, il a écrit toute son histoire et ses expériences par rapport au fait qu'il a été salafi à un certain moment donné, soi-disant, et qu'il a expliqué tout ce qui est arrivé par rapport à ses expériences personnelles. Et là, il y a des gens aujourd'hui, étant donné que lui, il a eu des expériences négatives avec certaines personnes, eh bien, il y a des gens parmi les Hizbiyin qui se basent sur ce site ou sur ce blog. Ils retournent à ce blog, puis ils voient que telle année, il m'est arrivé telle chose avec telle personne, telle année, il est arrivé telle affaire. Et là, la personne se base sur son expérience personnelle à lui pour essayer de juger ou de critiquer le manhaj des salafs et la da'wah salafia. N'est-ce pas que ça, c'est une forme d'injustice et de malhonnêteté? Et c'est une façon superficielle d'analyser les choses, vraiment superficielle. Ou de dire, par exemple, si des koufars, tu les appelles à l'islam, ils te disent, moi, je veux pas devenir musulman parce qu'il y a des terroristes. Est-ce que ça, c'est une façon qui est sérieuse et sincère d'analyser les choses? Qu'est-ce que l'islam dit sur le terrorisme? Qu'est-ce que les ulama de l'islam disent sur le terrorisme? Tout ça, on sait que c'est condamné. Alors, comment tu vas te baser sur les actions de certains individus pour dénigrer ou rejeter la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est pas malhonnête, ça? Ou c'est comme des gens, des faibles d'esprit parmi les certaines catégories de personnes qui... lorsqu'on les appelle à l'islam, ils disent ouais, mashallah. Ils disent pas mashallah, mais ils disent bon, tout ce que tu nous dis, on est d'accord. Mais nous, on veut pas arrêter de manger du porc. On aime trop le porc. Subhanallah. À cause d'une viande, tu choisis le kufr et la mécréance et tu refuses de suivre l'islam et de suivre la vérité. Demande l'aide d'Allah. Dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah et demande l'aide d'Allah. Mais rejette pas la vérité parce que tu veux manger de la viande. D'un animal alors que tu peux manger tous les autres. Vous voyez donc c'est des gens comment des gens sont parfois superficiels et c'est parce qu'ils n'ont pas étudié les fondements et les principes. Donc le cheikh il dit la plupart des gens c'est comme ça, ils se basent sur des choses superficielles et ils ne dépassent pas les apparences. Ils sont, le cheikh il a utilisé une expression qui est très très très jolie, hein. Il dit fahum mahbousuna fi sijnil alfaz. Ils sont pris dans la prison des mots. Ils sont pris dans la prison des termes. Et ils ne sont pas capables de dépasser cette limite-là. Donc c'est pas le fait que quelqu'un te dise un mot automatiquement tu l'acceptes. Il faut voir les principes qui sont derrière. Même si quelqu'un te dit, je suis salafi, qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'être salafi? C'est ça l'important. C'est quoi la réalité de ce manhaj? C'est quoi la réalité de cette da'wah? Est-ce que c'est juste un mot? Être salafi? Non. Il y a une signification derrière. Il y a une implication derrière. Il y a des principes derrière. Et c'est ça qu'il faut connaître pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est pas juste le mot. Hein? Et donc les gens sont faibles parfois et ils ne vont pas au fond des choses pour comprendre. Parce que si tu leur expliques comme il faut les fondements et les principes de la da'wah salafia, il n'y a aucun musulman sur la terre qui est sincère qui peut la rejeter cette da'wah. Quand tu leur dis que c'est de suivre le Coran, de suivre la sunna, selon la compréhension des salaf salih, et les salaf salih, ce sont les sahaba, et les tabi'in, et les tabi'in, et il faut rejeter les bid'ah, et tout ce qui est innové, et ainsi de suite. Tu leur expliques tout ça, et le tawhid, et les bas, il n'y a personne qui est sincère qui peut rejeter ça. D'accord? Donc c'est pour ça que les gens, le cheikh dit, sont emprisonnés dans la prison des mots. Et ils sont... enficelé dans les chaînes des expressions. Ils ne peuvent pas se sortir de ça, ils sont bloqués là-dedans. Et c'est ça le malheur, c'est ça le malheur. Et le cheikh, il mentionne le verset justement, il dit « C'est ainsi que nous avons donné à chaque prophète un ennemi parmi les shayatines, parmi les diables, hommes et djinns. Les diables humains et les diables parmi les djinns, et ils s'inspirent les uns les autres des paroles enjolivées pour semer la confusion et induire les gens dans l'erreur et pour les tromper. Et si ton Seigneur n'aurait pas voulu, il ne l'aurait pas fait, alors laisse-les et ce qu'ils inventent. Pour que le cœur des gens qui ne croient pas en l'au-delà écoutent et penchent vers leurs mensonges et leurs égarements, et pour qu'ils en soient satisfaits, et pour qu'ils suivent ce qu'ils veulent suivre, ainsi de suite. Donc c'est pour dire en réalité que ces gens-là, ils sont aveuglés et ils suivent les jeux des shayatins parmi les hommes et parmi les djinns. Il y a les diables, c'est pas juste des djinns, il y a des diables humains aussi. Et les diables humains, c'est ceux qui travaillent pour le shaitan. Ils vont dans la voie du shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait ce type d'être humain-là pour tester les mu'minin. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Donc ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas avec. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec. Et ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec. Hein? Et ils ont été créés pour l'enfer. Hein? Ils ont été créés pour l'enfer. Et Allah dit, ceux-là sont comme des bestiaux. Même ils sont plus égarés que les bestiaux encore. Et il y a des koufars. Quand on leur dit ça, ces choses-là, eux, ils se sentent insultés parce qu'ils pensent qu'on parle d'une catégorie d'une ethnie ou d'un groupe national, une nationalité en particulier, alors que non. Allah, il parle de l'être humain, en tant qu'être humain, sans distinction de race ou de couleur ou de langue ou de peuple. Un croyant peut être, c'est-à-dire, être un croyant, c'est pas une nationalité, et c'est pas une couleur, c'est pas un peuple en particulier. Et être mécréant non plus, c'est quelque chose qui dépasse ces limitations-là. Et ça vient du fait que certains musulmans ont compris l'islam d'une façon uniquement culturelle. Et donc, ils ont interprété l'islam comme si on est musulman par culture. Et donc, ils s'imaginent qu'il y a des koufars par culture. Donc il y a des croyants par culture, il y a des musulmans par culture, il y a des koufars par culture. Non, ça n'a rien à voir avec la culture et la tradition. L'islam, c'est une croyance. L'islam, c'est une religion. Hein? Non. Inch'Allah. Donc, juste un instant. Ah, ok, d'accord. Juste en passant, j'ai eu un message d'un frère qui me dit que les frères de l'Angleterre, ils avaient une conférence avec le Cheikh, mais Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, mais cette conférence a été annulée car le Cheikh est malade. Donc on demande à tous les frères et les sœurs de faire dua pour lui, pour demander à Allah de le guérir. Hein? Donc ça, c'est juste un message en passant. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir Cheikh Rabi' et de lui donner encore de longues vies et de donner beaucoup de bien et de bénéficier la Ummah, hein, et de défendre la vérité encore des années et des années qui vont suivre. Amin. Donc on va terminer donc ce chapitre inshallah avec le dernier paragraphe. Le cheikh dit wa min ajli hadha kullihi ترى أقوال وفتاوى الراسخين في العلم والمقتفين لأثر الصحابة والتابعين مطابقة لألفاظ القرآن والسنة يتحرون ذلك غاية التحري، فحصلت لهم السلامة، ومن حاد عن سبيلهم حصل له الخطأ والزلل والتناقض والاضطراب. Le cheikh dit que c'est pour cette raison, pour toutes ces raisons-là qu'on a mentionnées, on voit que les paroles et les fatwas des ulama qui sont fermement et profondément enracinés et ancrés dans la science, ils suivent la voie des sahaba et des tabi'in, même dans la formulation de leurs paroles, ils suivent la formulation et ils copient la formulation du Coran et de la Sunna, et ils ne sortent pas des expressions du Coran et de la Sunna, et ils font exprès pour faire ça, hein, et ils font leur effort pour justement ne pas sortir des expressions des textes du Coran et de la Sunna. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont été épargnés et sauvés. Et quiconque se sépare ou s'écarte de leur voie, on voit qu'il tombe dans les erreurs, dans les glissements de pieds, hein, il glisse, il tombe, et dans la contradiction et les conflits et les problèmes. Oui, parce que c'est normal. Et donc, les ulama de Ahlul Sunnah wal Jama'a, tu regardes les livres de Aqidah. عقيدة الإمام الطحاوي، عقيدة الإمام يعني البربهاري، الإمام أحمد، يعني tous les imams qui ont écrit des livres sur l'aqida. Tu vois leurs expressions, c'est l'expression qui est utilisée dans le Coran et qui est utilisée dans la Sunna et qui est utilisée dans les paroles des Sahaba. Ils ne veulent pas sortir de ces expressions-là. Et tu peux pas trouver des expressions qui sortent de ces expressions-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas ouvrir une porte pour la bid'a. Ils veulent pas. Et quand tu entends des speakers, des gens qui font des conférences en français et qui parlent de l'islam devant les musulmans et devant les kuffars, ils ouvrent leur bouche avec des mots et ils rentrent dans des expressions et des termes. Subhanallah, c'est de la philosophie. Et ils n'ont même pas de gêne et de honte et de limitation ou de retenue d'utiliser n'importe quel terme pour montrer qu'ils sont soi-disant cultivés et qu'ils connaissent la langue et qu'ils connaissent les idées des kuffars, mais ils induisent beaucoup de gens en erreur à cause de ça. Après le cheikh, il dit « وقال الإمام ابن القيم وينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان وقول الفقيه المعين ليس كذلك وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة تعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله فألفاظ النصوص عصمة وحجة وبريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب. Donc le cheikh, pour terminer, l'imam ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit encore une fois dans I'lam al-Muwaqqi'in, le volume 4 à la page 170, et en passant, I'lam al-Muwaqqi'in, c'est un livre de Usul al-Fiqh qui critique ou qui parle des fondements de Usul. Il dit que le mufti, lorsqu'il fait une mufti, il doit essayer le plus possible de rester yani avec les termes utilisés dans les textes de la révélation. Et pourquoi? Parce que ça implique le verdict, il y a le verdict dedans, et il y a la preuve dedans. Et également avec la clarification complète. Hein. Et donc, s'il répond en se basant sur les textes, eh bien, il est garanti d'avoir une réponse correcte. Hein? Et il est garanti de ramener la preuve de ce qu'il dit et la meilleure clarification. Donc, c'est la même chose pour la parole d'un savant de fiqh en particulier. Yani, le cheikh dit, c'est pas pareil. Si tu ramènes les paroles des textes de la révélation, tu es protégé de l'erreur. Parce que tu rapportes une parole qui est de celui qui est infaillible, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la parole d'Allah. Tandis que la parole d'un faqih, en particulier, c'est pas pareil. Il peut y avoir dans les expressions d'un savant des choses qui sont ambiguës ou pas claires. et qui peuvent impliquer des significations incorrectes. Donc il faut faire utilisation de ces paroles-là, mais avec beaucoup de clarification avec et d'explication. Et il dit que la même chose avec les sahaba et les tabi'in, les imams de l'islam, ils ont tous suivi cette méthodologie-là. Ils faisaient très attention d'utiliser les termes qui sont mentionnés dans les textes de la révélation. Et ils ne ramenaient pas des textes ou ils ne ramenaient pas des expressions de leur propre imagination ou de leur propre tête à eux. Ils prenaient des textes mentionnés, des termes mentionnés dans les textes. ويتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف راغب عن النصوص. Et puis il y a des gens qui sont venus par la suite qui les ont pas suivis dans cette voie-là, malheureusement, et ils ont commencé à inventer ou à utiliser des expressions qui ne sont pas dans les textes, et ils ont extrait de ces expressions-là toutes sortes de significations qui ont fait en sorte que les gens se sont éloignés petit à petit des textes. Et à la fin, les gens n'ont plus du tout eu recours aux textes, puisque ils se sont éloignés des textes. Ils ont utilisé des termes différents de ceux de la charia. Et on sait très bien que lorsque dit ma'loumun anna tilka al-alfaz la tafi bima tafi al-nusus, c'est clair que les termes que ces gens-là utilisent, elles ne peuvent pas remplir la tâche de clarification que les textes de la révélation sont capables de clarifier, parce que les textes sont clarifiés et sont clairs, ils sont de la meilleure explication. Les textes de la révélation sont plus clairs et mieux expliqués, et donc de s'écarter des textes de la révélation, ça amène à la fin qu'on s'éloigne complètement des textes et qu'on se réfère plus aux textes, mais qu'on utilise uniquement des expressions nouvelles, hein, et on essaie de rallier les règles de la charia à des termes inventés qui sont nouveaux, et puis ça amène beaucoup de corruption dans la umma, et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut savoir jusqu'à quel point ça a amené du désordre dans la umma d'avoir utilisé ces termes là il y a des sectes qui sont apparues et des groupes qui se sont déviés de l'islam juste à cause de ces expressions là qui ont été inventées par ces gens là De se limiter aux expressions des textes, c'est une protection, c'est une preuve, c'est une innocence, hein. C'est un désavouement de l'erreur et de la contradiction et de la complication également et des conflits, hein. Quand vous entendez par exemple des expressions de certaines personnes qui parlent de l'islam, comme par exemple dernièrement j'avais mentionné quelques points qui avaient quelques expressions de Tariq Ramadan quand il parlait à propos d'Allah. Il disait par exemple que Dieu est en nous, ou bien que Dieu, on est empli de Dieu, ou s'emplir de Dieu, ou des expressions de ce genre. Est-ce qu'on retrouve ces expressions-là dans les paroles, dans le Coran, et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la parole des sahaba? On ne retrouve pas ça nulle part. Donc, il ne faut pas utiliser ces façons-là de parler à propos d'Allah, parce que ça implique des significations qui sont fausses. Et ça implique des choses qui sont kufr même, hein, de Wahdatul Wujud et des autres croyances qui sont parmi les croyances des hindous et des bouddhistes. On n'a pas le droit d'utiliser ces expressions-là quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que musulman. Et on doit se référer aux expressions qui sont utilisées dans le Coran et dans la Sunna, et non pas les expressions utilisées par ces gens, parmi les gens de Bid'a, parmi les soufis. Et les soufis, c'est les champions de ça, d'utiliser des expressions qui ne sont pas dans les textes, justement pour mélanger les gens, pour les confondre, les amener dans des confusions totales. Hein. Donc, on a donc complété le premier point, le premier chapitre. J'ai donné beaucoup d'exemples et j'ai expliqué beaucoup de choses parce que je voulais que ce soit bien compris, ce principe-là et ce point-là. Mais vous allez voir, c'est un livre qui va être très bénéfique, je le sais, parce que moi-même j'ai appris beaucoup avec ce livre-là quand je l'ai lu la première fois. Et vraiment, ça m'a vraiment ouvert les yeux à beaucoup de choses. Je pense que ça va être bénéfique pour chacun d'entre nous, Inch'Allah. En même temps, ça me fait un rappel pour moi aussi. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. ويعني on se retrouve donc demain avec le dars de يعني le sharh de hadith Jibril inshallah. Donc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.